Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes CKRL 89.1 sur le poste radio et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour de trois parutions récentes dans le monde québécois des arts sonores et des musiques nouvelles. Des parutions lancées au cours des derniers mois par le label montréalais Ambiance Magnétique et sa boutique sur le web Actuel CD. Ambiance Magnétique nous propose depuis une quarantaine d'années, des albums novateurs issus d'un large éventail de courants musicaux et sonores, qu'ils soient improvisés, électroniques, bruitistes, poétiques, jazzy parfois ou tout simplement inclassable. À ce jour, l'étiquette compte près de 350 albums, de presque autant d'artistes, un label piloté par les membres du Quatuor Bozzini, que je salue en passant. Et je débute la soirée avec le magnifique projet d'Ida Toninato et de Jennifer Thyssen. Ça s'intitule Dream of Heat, rêve ou rêverie de chaleur. Bon, un album paru en février dernier et qui explore, disent-elles, le cycle de la mort et de la renaissance tel qu'il se manifeste à travers l'expérience des attributs de l'hiver. Bon, le froid, l'isolement, le refuge et tous ces rêves d'hibernation et de réveil printanier. D'abord imaginé pour leur spectacle intitulé Winter City Speaks, la réalisation de l'album Dream of Heat a débuté par des échanges sonores entre les deux musiciennes à l'hiver 2021. Les premiers enregistrements ont été développés et enrichis par l'intégration de phonographies, de textures électroniques et de textes parlés ou chantés. Vous verrez, c'est très intéressant. L'action de leur voix constitue l'apport sans doute le plus significatif dans leur démarche de création depuis leur premier album. Le cheminement qui a mené à l'album Dream of Heat a été, disent-elles, aussi personnel que créatif et musical. C'est une histoire d'amitié, d'ouverture de portes et de portails et d'audace aussi de se révéler sous un jour nouveau. Je referme les guillemets, je suis tout à fait d'accord avec leurs propos et là-dessus, on écoute le très réussi « On a tellement rêvé ». On écoute ça. J'avance, je recule, je divague, je me perds à chaque instant. Avalé, enterré, dépassé. Dans la blancheur de la neige, je rêve. Les miroirs incessants me renvoient toujours à mes pensées. Je m'étais promis de fuir te fuir loin de la noirceur et du froid éternel. Et pourtant, tu vois, je reste. Je suis toujours là. Pourquoi? Je sais pas. C'était un premier titre du bel album Dream of E de Dida Toninato et Jennifer Thyssen. Bon, dans la documentation d'accompagnement de cet album, on dit que Dream of E est un savant amalgame d'instrumentation superposée d'alto, de viol d'amour, de saxophone baryton, d'espace réverbérant et de captation hors studio, tout ça visant à construire un paysage à la fois intense et songeur autour de la saison froide. La collaboration au synthétiseur de l'interprète-compositeur Jason Sharp sur la production de l'album studio a notamment apporté, c'est elle qu'il raconte, une ampleur et une profondeur au savoir-faire instrumental et à la vision imaginative qu'elles ont cherché à définir. Alors, on écoute cette fois une création intitulée Hot Blood Flow. Thank you. Je vous parle succinctement des artistes. Bon, la saxophoniste Ida Toninato. Elle crée une musique où se rencontrent le souffle, la résonance et l'immersion. Reconnue pour ses explorations des espaces réverbérants, elle développe des relations artistiques plutôt profonde, autant avec les architectures dans lesquelles elle performe qu'avec les humains, avec qui et pour qui elle joue. Son travail est animé par le désir de dissoudre, dit-elle, les frontières entre instruments, voix, espace et corps, transformant chaque performance en un rituel d'écoute profonde, d'imagination et de présence. Franchement, c'est bien dit. Jennifer Thiessen, quant à elle, est reconnue pour son travail novateur à l'alto et à la viole d'amour, qu'elle explore à travers l'improvisation, la composition et la collaboration avec de nombreux créateurs, créatrices, tout en interprétant avec sensibilité le répertoire historique de ses instruments de prédilection, qui sont la voix, l'alto et la viole d'amour. Son travail, tant solo que collaboratif, a été présenté au Québec, au Canada et bien sûr à l'étranger. Jennifer a également joué et enregistré avec le Manitoba Chamber Orchestra l'ensemble Super Musique et le quatuor Bozzini. Alors, on écoute une dernière pièce tirée de leur album Heat of Dream et puis on se rend à la pause. On écoute ça. Mm-hmm. ears bubble and are faced. Et voilà ce qui complète la première demi autour de parutions récentes du label Ambiance Magnétique. Alors, restez des nôtres, je suis de retour après un bref battement promo. Vous écoutez L'Accroche-Oreille, c'est sur CKRL 89.1. CKRL 89.1. Vous écoutez L'Accroche-Oreille. On est de retour, c'est l'aventure sonore depuis les studios de CKRL de 89.1 sur le poste. Gaëtan Gosselin, microphone avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille ainsi que les émissions archivées jusqu'à maintenant. Pour cette deuxième demi, j'enchaîne avec des extraits d'un album magnifique, assez plutôt inclassable sur le plan musical. Un album de composition pour ce tambour nommé Caisse Claire. Un album intitulé 21st Century Canadian Snare Drum. Tout ça sous la gouverne du percussionniste Ryan Scott. Bon, qualifié de virtuose par sa confrérie, Ryan Scott s'est produit à de nombreuses reprises en tant que soliste de marimba et de percussion dans des festivals de musique contemporaine en Europe, en Asie, en Afrique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et j'en passe. Figure incontournable, dit-on, de la scène musicale contemporaine torontoise, Ryan Scott a joué comme artiste invité pour de nombreux ensembles, percussionniste au sein du Canadian Opera Company Orchestra depuis 1996, professeur, il enseigne à la faculté de musique de l'Université de Toronto. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, je vous propose qu'on écoute un premier extrait de cet album intitulé 21st Century Canadian Snare Drum. C'est une création de la compositrice canadienne Anna Hustman dans Peeble. Ça, c'est le titre de la création. Ryan Scott siffle et fredonne des fragments mélodiques sur fond de roulement et part de caisse claire. C'est joué avec les balais et c'est très réussi. On écoute ça. Thank you. Bon, c'était un extrait du projet du percussionniste Ryan Scott intitulé 21 Century Canadian Snare Drum, un projet qui met en lumière le potentiel de la caisse claire, un instrument quasi mythique pour les percussionnistes. En tout cas, s'il y en a à l'écoute, vous serez d'accord. Ryan Scott nous présente dans ce projet 14 œuvres solo inédites commandées expressément pour la caisse claire auprès d'autant de compositeurs, compositrices. C'est un album tout à fait inclassable, je dirais. Unique, c'est paru sur étiquette Ambiance Magnétique, volet Collection Cubée, entre autres. Et puis, franchement, c'est un très bel album. Alors, on écoute cette fois une création du compositeur Hiroki Tsurumoto. Ça s'intitule Equipo de Sonido et c'est performé par Ryan Scott. Bon, très bel album, je l'ai dit, de Ryan Scott, intitulé 21st Century Canadian Snare Drum. Je vous propose maintenant, pour clore la soirée en beauté, quelques extraits d'un projet assez savoureux. C'est un projet mené par l'artiste, compositeur et musicien Hugo Blouin, qui travaille notamment dans les domaines du jazz, du folk, de la chanson, de l'art sonore et de la poésie. Il collabore au sein du groupe Petite Maison, un groupe qui fusionne des approches jazzistique et folklorique. Il est aussi membre du trio de guitaristes et compositeurs René Lucier avec le batteur Robbie Koster. Vous allez voir les parentés avec son travail. Hugo Blouin a sorti quelques albums, dont un hommage au hockey intitulé Sport National. C'était en 2023. Un album qui retrace un continuum musical qui va de Maurice Richard à Marie-Philippe Poulin, rien de moins. Alors, ça donne, je pense, une idée du personnage et de ses perspectives plutôt décloisonnées. Alors, le projet que nous propose Hugo Blouin ce soir, qu'on retrouve sur le label Ambiance Magnétique, s'intitule « Le buffet ». Il s'agit d'une exploration sonore et musicale qualifiée de « gastronomique », prenant la nourriture comme thème. Et c'est bellement réussi comme exploration. Bon, à la fois ludique, décomplexé, Blouin développe musicalement des vraies recettes et des conversations qu'il a recueillies auprès de ses amis. Blouin aime raconter que les auditeurs se font servir un buffet de délicieuses nourritures musicales composées d'anecdotes, de commentaires à chaud et de réflexions teinté de légèreté plutôt joviale. Bon, en tout cas, c'est très bon. On écoute un premier jet intitulé « Après, tu manges ». C'est tiré de l'album « Le buffet » de Hugo Blouin. OK. Faire du pain, ça prend 4,5 tasses de farine. C'est mis d'eau épine, demi-cuillère de levure. Thank you. après tu manges. Après tu manges. Après tu manges. Bon, c'était une pièce tirée de cet album intitulé « Le Buffet » d'Hugo Blouin. On raconte dans la documentation que l'espiègle Hugo Blouin nous présente ici une version unique de la musique actuelle, une collision entre le swing urgent du post-bop, des rythmes effrontés de type prog et des explosions de formes libres inattendues. Bon, c'est assez juste. Il faut voir que Blouin a su s'entourer d'artistes et de musiciens assez chevronnés. Je vous en nomme quelques-uns. John Hollenbeck à la batterie, Aurélien Tomasi aux instruments avant, Marianne Trudel au piano, la chanteuse Eugénie Jobin et tout ce beau monde épaulé par une brochette d'invités illustres dont Alissa Chung du quatuor Bosini au violon, Émilie Fortin à la trompette qu'on a reçue il y a quelque temps ici à l'émission et Marion Rampal au chant. Et bien, bravo tout le monde, on écoute un extrait cette fois intitulé « La sauce », c'est de l'album « Le buffet » d'Hugo Blouin. Lorsqu'on me demande, j'en donnerais-tu le secret de ta sauce à salade César? Je réponds bien sûr. Je réponds bien sûr parce que connaître la fameuse recette d'une salade César, une bonne recette, c'est immensément important. C'est croustillant, c'est riche, c'est onctueux, c'est salé. C'est gras, c'est juste du bonheur. C'est très simple, une bonne pomme de romaine fraîche, croustillante et craquante à souhait. Et surtout une bonne sauce. Donc de l'huile d'olive et un peu d'huile un peu plus neutre. Une bonne gousse d'ail, un œuf, de la moutarde. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Ida Toninato, Jennifer Thyssen, Ryan Scott et Hugo Blouin, dont les albums récents sont inscrits au catalogue du label Ambiance Magnétique et de ses nombreux dérivés, collections cubées, dames, actuelles CD et j'en passe. Grand merci à Ambiance Magnétique et à Nick Storing de la plateforme Riparian Media de m'avoir transmis ces nouvelles parutions. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la référence des pièces entendues ce soir ainsi que les émissions produites jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Alors pour clore l'émission, on poursuit ça avec le buffet d'Hugo Blouin. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore au microphone depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. C'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. On ajoute une grosse cuillère à soupe de moutarde, petit Jean, la boîte en choix. Et avec son nez. Et avec son nez. Et avec son nez. Tout en voyant, on ajoute pain et ciseaux. César, cette superbe sauce, nos feuilles de laitue.